qu'il va falloir qu'ils sortent. Ils sont obligés de se toucher, tellement la musique est forte. Après c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. On voit les ombres bleues que le désir dessine sur son front de figurine. C'est pas la peine d'être plus précis, cette histoire est déjà finie. C'est pas la peine d'être plus précis, cette histoire est déjà finie. On ferait autant si c'était à refaire. On ferait autant si c'était à refaire. On ferait autant, autant sur la terre. Tout simplement, samedi soir sur la terre. Avec Karma à la guitare, on est toujours sur la terre. Sur la terre. Pas la peine d'être plus précis, cette histoire est déjà finie. On ferait autant si c'était à refaire, car on est simplement sur la terre, sur cette terre. Passager sur cette terre, il reste un mystère. On se parle, on se frôle. On se parle, on se frôle dans cette musique qui se porte. L'aventure, nos corps se croisent, nos regards se croisent. Une histoire normale, une histoire normale. Maintenant, je vais manger. Ouais, c'était Cabrel, ouais.